Into the Woods, du réalisateur Rob Marshall, en version originale anglaise avec sous-titres français. Reversed? Les opportunistes, du réalisateur Paolo Virzì. Salve! È uno spettacolo qua, eh? A lei per caso gioca? Ma quello? Ma tuo padre? Oh, Dio, che vergogna! Mi ricordo molto bene di quella sua Giulietta. Lasciamo perdere, era solo una dilettante. Lei, mi dispiace contraddirla, ma lei è un'attrice. Come sta? No, no, sta da Dio. Buonasera a tutti! Può entrare nel nostro fondo. Ma figa, cosa fai? Leggere il pensiero. Consiglio di non farti vedere in giro insieme a me perché sono considerato un soggetto socialmente pericoloso. Io, regalo, lo faccio volentieri a te. Posso firmare, no? Prego. Avete scommesso sulla rovina di questo paese e avete vinto. Wild. Du réalisateur Jean-Marc Vallée, en version française. Si ta volonté te lâche, dépasse ta volonté. Emily Dickinson et Cheryl Strayed. Qu'est-ce qui m'a pris? Ça me désole que tu t'infliges une marche de 1500 kilomètres rien que pour... Finis ta phrase. Pourquoi je m'inflige tous ces kilomètres? Bon voyage, Cheryl. Turn away from the sound of your own voice. Et la solitude, je me sens beaucoup plus seule dans la vraie vie. Ça a dû être une sacrée rupture. Oui, enfin, rupture, c'est un euphémisme. Je les aime tellement. Tu me manques. Tu me manques, mon Dieu. Ma mère, c'était l'amour de ma vie. Vous êtes héroïnomane et vous couchez avec le premier venu. Vous pensez abandonner parfois? Oh, seulement toutes les deux minutes, je dirais. J'en ai abandonné des choses, moi. Entre les divorces, les démissions. Et vous avez des regrets? Oh, mais j'ai pas eu le choix. Sur mon chemin à moi, il n'y a jamais eu de croisement. Il y a des questions que je me pose. Et si je me pardonnais? Si je m'excusais? Même si je pouvais réécrire l'histoire, je ne changerais pas un iota.